Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Page de science avec Dr. Régis Ollery. Bonjour et bienvenue, Régis. Bonjour, vous, toi seul. Ben, moi seul aujourd'hui. C'était difficile pour mon collaborateur. Et toi, ça va bien? Ça va bien. La session tire à sa fin, ça fait du bien. On en prépare une autre, ça fait moins de bien. Mais ça fait du bien pareil. On prend un petit break au moins. Oui, mais c'est, on approche des fêtes, là. Il faut être un petit peu guilleret quand même. Exactement. Aujourd'hui, de quoi on parle, Régis? Ah, aujourd'hui, c'est un petit plaisir, je trouve. Un vrai coup de cœur de ce bouquin. C'est un bouquin écrit par un prof de maths de Cambridge qui s'appelle John D. Barrow. C'est traduit en français en 2008. Ça s'appelle Une brève histoire de l'infini. OK. Et là, je dois dire que c'est croustilleux. Vraiment. Mais comment faire une brève histoire de l'infini? Oui, puis comment même concevoir l'infini? Et c'est un livre qui est très abordable et qui nous apprend une quantité de petites choses intéressantes, comme le 8 couché, là, qui veut dire l'infini. Le symbole de l'infini. Ben, c'est créé en 1655 par John Wallis, qui est prof de maths à Oxford. On apprend aussi que si l'infiniment grand, on estime à 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Okay. Hein, mais la configuration neurale a permis d'évaluer le nombre de pensées possibles à 10 puissance 70 000 milliards. Okay. Donc en fait, il y a beaucoup plus de pensées possibles que d'atomes dans l'univers. C'est vraiment un parcours très instructif, encore une fois très accessible, avec des aberrations qui sont mises en évidence, parce que l'infini est indissociable d'un certain côté de l'aberration. L'infiniment grand, bon, on peut à la limite voir un petit peu à quoi ça correspond, là. L'infiniment petit, bah, c'est l'absence. Donc en fait, ça n'existe pas, l'infiniment petit. Par définition. Il nous démontre, par exemple, que dans les suites infinies, qu'on appelle S égale 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1, etc., à l'infini, okay. Il démontre que mathématiquement, S va être égal à 0, mais que si on met des parenthèses aux bons endroits, ce qu'on a le droit de faire, S égale 1, et si on en met à d'autres endroits, S égale 0,5. Donc l'infini permet de démontrer que 0 égale 1 égale 0,5, en fait égale tout ce qu'on veut. Quoi. C'est un petit peu, c'est ça qui est plaisant. Il aborde toutes sortes de choses, c'est un mathématicien encore une fois, mais il aborde beaucoup de cosmologie. Okay. Parce que l'infiniment grand, c'est évidemment, même si c'est pas infini, mais c'est quand même ce qu'on pense en premier. Il discute qui pensait que l'univers était infini, qui pensait que ça ne l'était pas. Il rappelle aussi la belle démonstration qu'a fait Olbers en 1826 du caractère fini de l'univers, simplement parce que la nuit est noire. Okay. Si la nuit est noire, si la nuit n'était pas, si l'univers, reprenons-nous, était infini, où qu'on regarde dans le ciel, on arriverait sur une étoile, statistiquement. Tout comme dans une forêt, et on regarde n'importe où, on va arriver sur un arbre. Oui. C'est-à-dire que la nuit serait brillante, donc il n'y aurait pas de nuit. S'il existe une nuit, c'est parce que l'hiver est fini. Oh. Et ça, ça date de 1826. Hein. 1826, grand penseur. Il nous rappelle aussi toutes les discussions sur une conjecture de mathématiques, la conjecture de Goldbach, qui date de 1742, et qui dit que tout nombre pair est la somme de deux nombres premiers. Ah. Bon. Il y a des prix, jusqu'à $1 million, pour qui le démontrera. Et c'est toujours pas fait. Ah, c'est toujours pas ça fait. Ça fait 2 siècles et demi et c'est toujours pas fait. Il y a un côté comme ça qui est très agréable. Le seul, et encore, je dirais pas que c'est un reproche, là, mais peut-être que l'infiniment petit aurait pu être équilibré dans son livre. Visiblement, c'est l'infiniment grand, okay, essentiellement, c'est plus... alors que l'infiniment petit, même si, comme je le disais, c'est de l'absence, donc ça n'existe pas, on pouvait quand même aborder le presque infiniment petit. Ça, c'est peut-être ce qui manque un petit peu. mais ça ne nuit pas du tout au plaisir qu'on a à lire ce bouquin. Et si puis, vous l'avez sous votre sapin de Noël, vous allez avoir des bonnes heures de lecture. Et puis c'est traduit en français? Oui, c'est traduit en français en 2008. C'est chez Robert Laffont, c'est accessible facilement. Un petit cadeau de Noël bien agréable à lire, pas trop compliqué et très instructif. Est-ce que tu veux rappeler le titre encore? Le titre, Une brève histoire de l'infini par John D. Barrow. Ben merci Régis. Ben c'est moi qui vous remercie, alors on se revoit l'année prochaine. Ben oui, c'est clair, puis on va te réécouter aussi dans les capsules, dès demain. OK. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine, dans le dîner de cons sur Chifou 89. Dans le cul, OM, dans le cul, dans le cul! Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir.